Let's go anywhere else. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'on est seul, qu'on meurt seul. Et qu'entre les deux, faut se débrouiller pour n'être pas trop seul. Il a vraiment dit ça? Non, c'est pas vrai qu'il l'a dit, mais c'est vrai que c'est vrai. Allez, venez. On vit dans un monde envahi de crapules et de belles relations que la monnaie annule. Tu sais, les bons comptes font les bons amis, mais côté sur l'autre est un mauvais calcul. On est seul, on meurt seul. Pour de l'oseille, les frérots du plic. Y'a ceux qui t'appellent pour prendre des nouvelles et y'a ceux qui t'appellent juste pour pécho du shit. La vie n'est pas rose, tu vois, sauf quand ça s'arrose avec tes sauces. Tu pécho ta dose, ta paix s'évapore à l'aube du mois. T'es bien entouré dans ta grosse, tu revois. Mais la plupart sont juste là pour gratter. Et dans ta tête, tu crois que t'as tout gagné. Une fois dans la mer qui paiera ton loyer, mieux vaut être seul que mal accompagné. Donc prends du recul, ça te fera du bien. Fais le tri, dans la seconde, tu ne vois plus rien. T'as donné, ils t'ont pris tout le bras. La famille, ça se compte sur les doigts d'une main. On vit dans un monde où tout se monnaie, où les vraies valeurs ont beauté en touche. L'amour, l'amitié, ça vaudrait de l'or. Mais les sentiments sont pas cotés en bourse. Tu sais, dans ce monde, y'a du tri, y'a des vrais, y'a des faux. A défaut d'être vrai, même le faux se croit vrai, ça m'effraie, même le vrai fait des fautes. Parfois nos ennemis deviennent nos amis, mais souvent nos ennemis sont d'anciens amis. Un sacré casse-tête pour faire le tri. Au fil du temps, tu sauras qui est qui. Tu sais, dans ce monde, y'a du tri, y'a des vrais, y'a des faux. A défaut d'être vrai, même le faux se croit vrai, ça m'effraie, même le vrai fait des fautes. On vit dans un monde où tout se monnaie, où les vraies valeurs ont beauté en touche. L'amour, l'amitié, ça vaudrait de l'or, mais les sentiments sont pas cotés en bourse. Y'a les connaissances, les profiteurs, les gens de la mif et les gens de passage. Ceux qui t'appellent en galère à toute heure et qui aiment te voir dans le sens de la marche. Qui pas bosser, même si tu chômes. Qui t'ouvre la porte quand le froid peut t'atteindre. Qui se soutiennent quand ils se paument, parce qu'ils sont liés comme les doigts de la main. Putain, les jaloux, les brebis galeuses, qui attendent ta chute pour saisir ta chance. Qui voudraient ta femme et qui brouillent les pistes. Faisons croire que c'est elle qui fait des avances. Ça t'arrangerait bien que j'existe plus, que mon disque plus, mais tu risques plus. Mais je maîtrise le truc car mon vice te tue et je te pisse dessus, petit fils de. Mais j'ai de la chance car je suis clairvoyant. Ce genre de personne ça se sent sans le savoir. Ça sert à rien de se mouiller pour eux. Une fois le dos tourné, ils se transforment en bavoir. On vit dans un monde rempli de regrets où les vraies valeurs ont beauté en touche. Moi j'ai de la mif, fais des refrais et le reste finira par voler sans doute. Tu sais, dans ce monde, y'a du tri, y'a des vrais, y'a des faux. A défaut d'être vrai, même le faux se croit vrai, ça m'effraie, même le vrai fait des fautes. Parfois nos ennemis deviennent nos amis, mais souvent nos ennemis sont d'anciens amis. Un sacré casse-tête pour faire le tri. Au fil du temps, tu sauras qui est qui. Tu sais, dans ce monde, y'a du tri, y'a des vrais, y'a des faux. A défaut d'être vrai, même le faux se croit vrai, ça m'effraie, même le vrai fait des fautes. On vit dans un monde où tout se monnaie, où les vraies valeurs ont beauté en touche. L'amour, l'amitié, ça vaudrait de l'or, mais les sentiments sont pas cotés en bourse. Oh, mais vous n'y êtes pas du tout, monsieur. Je ne l'emmène pas au lit, je l'emmène à la campagne. Au soleil, aux fleurs du printemps. Toute chose que vous voyez tous les jours et dont vous n'avez jamais admiré la beauté. Stultorum infinitus est numerus.